franceinter.fr. Aujourd'hui, en partenariat avec le journal Libération, Affaires Sensibles vous propose de réécouter le récit de l'affaire Markovic, l'un des dossiers les plus sensibles de la Ve République. Une histoire qui aurait pu écarter définitivement Georges Pompidou de la vie politique. L'affaire Markovic, c'est une rumeur basée sur des allégations liant à la fois le monde des voyous, du cinéma et de la politique. Or, la calomnie est toujours plus efficace que les preuves. Les faits, la vérité, c'est bien le problème. Ainsi, d'octobre 1968 jusqu'à l'élection de Georges Pompidou en juin 1969, la presse et la justice vont se nourrir d'une histoire impliquant la femme de celui qui est alors Premier ministre du général de Gaulle, laissant entendre qu'elle a participé à des soirées fines organisées par un homme retrouvé mort dans une décharge. Dans la France corsetée des années 60, et même si le mouvement de mai 68 a un peu déboutonné ce pays qui s'ennuie, comme l'écrivait Pierre Liancion-Ponté dans le journal Le Monde, les histoires de sexe choquent l'opinion, surtout si elles impliquent les plus hautes autorités de l'État ou leurs proches. Toutes ces allégations contre Madame Pompidou étaient fausses, construites sur la base de photomontages truqués. Mais aujourd'hui encore, nous ne savons pas officiellement qui fut à la source de la rumeur qui marqua de façon définitive la fin de la relation de confiance entre le général de Gaulle et Georges Pompidou et qui aurait pu empêcher ce dernier d'accéder à la présidence de la République. Peut-être était-ce là d'ailleurs le but de la manœuvre. Après le récit, nous donnerons la parole à notre invité Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Elisa Mass et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle, Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'affaire Markovic, il y aura peut-être du nouveau ce soir. L'affaire Markovic. Il est vrai que Stéphane Markovic n'hésitait pas à se livrer à tout trafic susceptible de lui apporter vite et beaucoup d'argent. Je fais la part de la campagne d'intoxication politique dont les causes et les origines sont diverses, mais dont les objectifs sont identiques. C'est tout. Il y en a qui m'appellent Georges, il y en a qui m'appellent Pompidou. Quand on me connaît peu, je crois qu'il faut m'appeler monsieur, je ne tiens à aucun titre. À Versailles, le juge Patard doit interroger le premier inculpé de l'affaire Markovic, François Marc-Anthony. À Paris, les enquêteurs doivent entendre Alain Delon. Mon audition a porté essentiellement sur les points suivants. Reconstitution détaillée de ma vie au 22 de l'avenue de Messine et de l'ambiance familiale. Plus qu'aucun autre, je souhaite que le travail des officiers de la police judiciaire produise d'autres fruits que celui de la déception. Le 20 juin 1969, Georges Pompidou est investi officiellement président de la République française. Après 4 semaines de campagne, il vient de battre au second tour le centriste Alain Poher, récoltant plus de 58% des suffrages. La gauche, elle a été balayée dès le premier tour. Quelques heures après la cérémonie, Georges Pompidou accueille avec Claude, sa femme, des journalistes dans les jardins de l'Élysée. Changement de locataire, changement de décor, changement de style. C'est la première fois que des journalistes sont invités à accompagner le président et son épouse dans leurs premiers pas à l'Élysée. La télévision, il faut le dire, est désormais dans de nombreux foyers et l'image du couple est attendue dans toutes les salles de rédaction. Elle fera la une des journaux dès le lendemain, témoignant d'une certaine modernité après ces années d'exercice paternaliste du pouvoir par le général de Gaulle. Ce jour-là, dans les couloirs de l'Élysée, ce sont également les derniers instants de Maurice Couve de Murville en tant que Premier ministre, lui qui avait remplacé Georges Pompidou pendant l'été 1968 à Matignon. Ce personnage austère ne sera pas reconduit par le nouveau locataire de l'Élysée. Entre les deux hommes, c'est une opposition de style et de courant. Ils représentent chacun 2 camps du gaullisme qui se font face depuis 1944. Il y a ceux qui ont partagé auprès du général l'exil à Londres ou à Alger pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Maurice Couve de Murville précisément, ou René Capitan. Et puis il y a ceux qui, comme Georges Pompidou, ne viennent pas des rangs de la résistance, mais qui ont su, au lendemain de la libération, voir en De Gaulle un homme d'État, pouvant reconstruire la France au lendemain des années noires. Mais en ce 20 juin 1969, c'est aussi une revanche pour Georges Pompidou qui a vécu, durant les 9 derniers mois, l'une des plus sordides machinations de la Ve République et dont Maurice Couve de Murville fut l'un des acteurs en ne protégeant pas l'ancien Premier ministre. Dans le jardin de l'Élysée, Georges et Claude font face aux objectifs et aux journalistes qui, pendant 9 mois, ont été les mêmes, oui, les colporteurs de rumeurs infondées sur la vie de la première dame. 9 mois au cours desquels Georges Pompidou a dû éviter les pièges et les ragots, faire face aux fuites continues d'informations relevant du secret de l'instruction et protéger ses proches tout en continuant son chemin vers son destin national. Calomnié, il en restera toujours quelque chose. Revenons donc 9 mois plus tôt, au moment où Georges Pompidou redevient député du Cantal et se met en réserve de la République, comme on disait alors et comme on le dit encore aujourd'hui. Puisque vous me parlez de M. Pompidou, eh bien je vous dirai ceci. Il fut mis en réserve de la République. Pompidou, 56 à 58%. Poher, 42 à 44%. Abstention de 26 à 29%. Bulletin nul de 5 à 7%. Georges Pompidou sera le prochain président de la République française pour une durée de 7 ans. 1er octobre 1968, une dépêche anodine tombe sur les téléscripteurs des salles de rédaction. Le corps d'un homme enveloppé dans une toile plastique a été découvert dans un ravin près d'Élancourt dans les Yvelines. L'homme est âgé de 30 à 40 ans. La victime porte une profonde blessure à la tête qui, l'autopsie l'a confirmé, est à l'origine de la mort. L'enquête est en cours. Voilà un fait divers qui fleure bon le règlement de compte entre voyous, mais qui tout d'un coup change de registre. Et pour cause. L'homme retrouvé mort, un certain Stéphane Markovic, jeune Yougoslave de 31 ans, a été pendant 4 ans le garde du corps. L'homme a tout fait, l'ami de l'une des plus grandes vedettes du cinéma français, Alain Delon. De plus, c'est au 22 rue de Messine, dans le 8e arrondissement, domicile de l'acteur, qu'aurait été aperçu pour la dernière fois la victime, ce Markovic, dont le nom va devenir célèbre. Quelques jours après la découverte du corps, son frère, Alexander Markovic, qui vit en Yougoslavie, transmet aux enquêteurs des lettres prémonitoires envoyées quelques jours avant sa mort par Stéphane Markovic, où celui-ci indique que s'il lui arrive malheur, il faudra se retourner du côté d'Alain Delon et de son ami François Marcantoni. Le 8 octobre, l'affaire s'accélère. Alain Delon est interrogé une première fois à Saint-Tropez, où il tourne en compagnie de Romy Schneider le film La Piscine. Quelques jours après, l'acteur rentre à Paris pour y être de nouveau interrogé avec sa femme pendant de longues heures. 6 jours plus tard, toute la presse est présente et l'information est désormais sur toutes les ondes. Le mystère qui entoure l'assassinat de Stéphane Markovic, ce Yougoslave, ancien secrétaire et garde du corps de l'acteur de cinéma Alain Delon, ce mystère a fait encore passer une nuit blanche aux enquêteurs de la première brigade mobile. Tard dans la nuit, ils ont entendu plusieurs témoins susceptibles de rapporter des éléments nouveaux dans cette affaire assez mystérieuse. Donc parmi eux, Alain Delon et sa femme Nathalie. Oui, Stéphane Markovic a été en effet pendant longtemps le secrétaire et en même temps le garde du corps d'Alain Delon. Le 1er octobre dernier, on a découvert le corps martyrisé de Markovic dans une décharge publique de Pontchartrain dans les Yvelines. Alain Delon avait été entendu alors par les policiers. Cette fois, Alain et Nathalie Delon ont été entendus jusqu'à 3 heures du matin. Et bien que le mutisme le plus complet entoure cette nouvelle audition, il est fort possible que le couple soit entendu de nouveau aujourd'hui. Alain Delon préfère garder le silence sur ses rendez-vous judiciaires. Il poursuit sa vie mondaine. Le soir même, il se fait photographier au bras de sa nouvelle compagne, Mireille Darc, à l'entrée de l'opéra pour une soirée de gala. Mais dans la salle, tous les regards sont rivés vers un autre couple, habitué lui aussi de ce genre de soirée, le couple Pompidou. Dans la journée, la presse écrite se fait l'écho de rumeurs autour de l'affaire Markovic. Dans les pages du Figaro datées du 14 octobre, on peut lire. Stéphane Markovic avait de nombreuses relations dans les milieux politiques, du spectacle et de la chanson. C'est ainsi que l'on évoque le nom de plusieurs actrices, chanteuses, de la femme d'un ancien membre du gouvernement et ceux d'un député, de 2 hauts fonctionnaires également et de plusieurs vedettes. La femme d'un ancien membre du gouvernement, c'est Claude Pompidou. Depuis plusieurs jours, le tout Paris colporte une rumeur. Elle participe à des soirées fines. Le couple Pompidou ne sait rien encore sur ce bruit qui court. Le lendemain, le 15 octobre, François Marcantoni, cité par Stéphane Markovic dans sa dernière lettre, est entendu pendant plus de 50 heures sur ses activités le soir du crime. L'affaire, désormais, n'est plus un simple fait divers, mais un scandale liant vedette du cinéma et la femme d'un homme politique français de premier plan, L'affaire Markovic est lancée. Je proteste contre la fausse information diffusée par le plus important quotidien du soir. Je proteste à nouveau contre les méthodes d'information d'un autre quotidien, du matin celui-là, qui publie les photos de gens qui sont inconnus de moi et les représente comme mes amis. Pendant plusieurs semaines, cette affaire fait la une de la presse écrite. Sur les ondes officielles, seul l'aspect judiciaire est évoqué par quelques brèves. Nous sommes à une époque où France Inter, par exemple, est considérée par le pouvoir comme la voix de la France. Les temps changent, et c'est bien ainsi. À Versailles, le juge Patard, en charge de l'affaire, demande une nouvelle autopsie du corps de la victime. Et là, il découvre que Markovic est mort d'une balle en pleine tête et non pas d'un mauvais coup reçu sur le crâne. Dans le même temps, une lettre d'un détenu yougoslave de la prison de Fresnes, Boriboj Akoč, envoyée à l'attention d'Alain Delon, tombe opportunément dans les mains de la censure, puis elle est transmise au juge Patard. Des policiers sont alors envoyés à Fresnes pour l'interroger. Pendant cet interrogatoire, Boriboj Akoč confirme la rumeur des soirées fines organisées par Markovic et des photos qu'il prenait. Il dit y avoir lui-même participé, notamment dans une sublime villa à Montfort-l'Amaury, où il aurait eu des rapports sexuels avec une grande femme blonde de 45 ans. Or, Claude Pompidou est une grande femme blonde de 45 ans. Le juge Patard se méfie de ces affirmations si vite obtenues, de cette lettre subitement interceptée et si bien écrite pour un ressortissant étranger. Pourtant, c'est l'histoire de ces soirées qui est désormais au cœur de l'affaire. Dans le même temps, les services du SDES, l'ancêtre de la DGSE, lancent une investigation sur ces photos libertines qui seraient diffusées sous le manteau à Paris. Une note est rédigée par Jean-Charles Marchiani, un Corse ancien militant de l'Algérie française qui est entré dans les services du contre-espionnage français. Les déclarations de Boriboj Akoč et la note du SDES sont désormais sur les bureaux du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, du ministre de la Justice, René Capitan, et du premier ministre, Maurice Couve de Murville. Le général de Gaulle, quant à lui, est prévenu à son domicile de Colombey-les-Deux-Églises par son secrétaire général, M. Bernard Tricot. Le couple Pompidou ne sait toujours rien de la rumeur. Non, il profite du week-end de la Toussaint dans sa maison de Cajard, dans le Cantal. C'est à leur retour, dans leur nouveau quartier, au boulevard de la Tour-Maubourg, à Paris, que Georges Pompidou et son épouse apprennent l'existence de la rumeur. C'est un coup terrible. Mais Georges Pompidou fait face, lance ses hommes pour récolter le plus d'informations possible et poursuit sa vie politique. Au début du mois de décembre, il rencontre une seconde fois le général de Gaulle à ce sujet. Il passe par l'entrée réservée aux visites discrètes, celle de l'avenue Gabriel, la fameuse grille du coq. Georges Pompidou raconte cette discussion dans son livre posthume intitulé « Pour rétablir la vérité ». Ce jour-là, j'avais demandé que M. Tricot assistât à l'entrevue, afin qu'il puisse noter les faits que j'allais révéler et aussi puiser quelques motifs de prudence dans le ton de mon entretien avec le général. Je démontais le mécanisme de l'opération judiciaire. Tout cela, exposé avec précision à l'appui, le général m'écouta avec stupeur. Devant moi, il demanda à Tricot de convoquer Capitan. Je sais que l'entretien eut lieu et que Capitan, bon gré mal gré, invita le parquet à diriger l'enquête sur la recherche des assassins, ce qui était, il faut bien l'avouer, leur devoir élémentaire. En me quittant, le général me conseilla de traiter les racontards par le mépris, en me disant que la calomnie était dans le destin des hommes d'État. Je lui répondis que je l'aurais ainsi compris s'il ne s'était agi que de moi, mais que s'agissant de ma femme, la fureur ne pouvait pas ne pas prendre le pas sur le mépris. La rumeur est tenace, dévastatrice, cruelle. Claude Pompidou ne sort plus de chez elle. Georges, de son côté, s'attelle à ses deux tâches, laver l'honneur de sa famille et continuer son chemin politique dans ces conditions à chemin de croix. Au début du mois de janvier, à Versailles, les auditions de témoins s'enchaînent. Le frère de la victime, Alexander Markovic, est en France pour quelques jours. Son avocat, Roland Dumas, l'accompagne pendant ses interrogatoires. Mais interrompant la confrontation et sortant de chez M. Patard, voici Maître Roland Dumas et son client M. Alexandre Markovic, lequel ne parle pas français et a demandé à me répondre en anglais. Sir, what is your impression after these two and a half days? Quelle est votre impression après ces deux jours et demi? I am coming here to France to help French government, French justice. And I can say to you that I believe the people that we will be finding the people who is the responsible of the death of my brother. Monsieur Markovic est ici pour aider la justice française et il est certain que l'on va finir par trouver le meurtrier de son frère, Stepan Markovitch. Merci, monsieur. Maître Roland Dumas, quelle est votre impression à vous et que pouvez-vous nous dire sans violer le secret de l'instruction? Je vais vous dire ce que vous savez déjà en partie, que nous travaillons depuis 3 jours d'arrache-pied, 2 jours et 2 nuits, que les confrontations, les auditions et les interrogatoires ont apporté quelques éléments nouveaux. L'enquête se poursuit la semaine prochaine et je pense que l'on découvrira le ou les assassins de M. Markovitch Stefan. Merci, maître. Thank you, sir. Ici Versailles, à vous Paris. Quelques jours plus tard, l'enquête connaît un nouvel épisode. Le 16 janvier 1969, un mandat d'arrêt est lancé contre François Marcantoni. Des avis de recherche sont diffusés sur tout le territoire. À 22h37, il est arrêté à Cannes, dans le restaurant de son frère. Cet événement fait la une des médias. On s'en doutait depuis quelques jours, on peut même parler maintenant de la première phase du dénouement de cette affaire. Antoine Marcantoni a été arrêté cette nuit à Cannes, sur mandat d'amener du juge Patard. Il vient d'être inculpé de complicité de meurtre. Qui est Antoine Marcantoni? Eh bien, c'est un ancien truand de 52 ans, gérant d'un bar-restaurant parisien, et surtout, un ami d'Alain et de Nathalie Delon, dont on va peut-être de nouveau reparler dans cette affaire. Ce n'est pas la première fois que Marcantoni est en contact avec la police dans cette affaire. Il avait déjà été interpellé et longuement entendu en octobre dernier. Mais aucune charge n'avait pu être retenue contre lui. Il avait été remis en liberté provisoire et avait même affirmé, très sûr de lui, « Si j'avais vu un cadavre à faire disparaître, il y aurait maintenant du gazon dessus. Mais dans cette affaire, on n'aura jamais de preuves. » Georges Pompidou est en voyage à Rome quand il apprend la nouvelle. Comme lors de chaque déplacement à l'étranger, des journalistes français sont présents car tous ont compris que l'ancien Premier ministre s'est forgé un destin présidentiel et qu'il est fort probable qu'il soit candidat à la succession du général de Gaulle. Lors d'une discussion informelle, Georges Pompidou répond à des questions sur son avenir puis indique, je le cite, « Ce n'est, je crois, un secret pour personne que je serai candidat à une élection à la présidence de la République lorsqu'il y en aura une. Mais, ajoute Georges Pompidou, je ne suis pas pressé. » Le lendemain, toute la presse revient sur cette déclaration, sauf les informations officielles des antennes de l'ORTF. C'est que l'ambition nationale de l'ancien Premier ministre, redevenu monsieur le député du Cantal, passe mal à l'Élysée. Et d'ailleurs, la réponse du général tombe, glaciale, par une formule dont il a le secret. Je le cite là encore. « Dans l'accomplissement de la tâche qui m'incombe, j'ai été le 19 décembre 1965 réélu président de la République pour 7 ans par le peuple français. J'ai le devoir et l'intention de remplir ce mandat jusqu'à son terme, autrement dit, circuler. » Georges Pompidou ne bronche pas, il poursuit sa marche aux côtés de ses fidèles qui l'accompagnent durant ces mois difficiles. Avec l'arrestation de Marcantoni, tout le monde pense que les rumeurs contre Claude Pompidou cesseront. On se trompe. On ne tue pas son prochain. Ça ne se fait pas. Ça n'est pas bien. On attend que la table soit mise et l'on se présente et l'on mise sur la mort proche et la mort approche. Et quand il meurt, ses enfants demeurent et son héritage, on se le partage. On ne tue pas son prochain, ça ne se fait pas, ça n'est pas bien. On ne tue pas son prochain, ça ne se fait pas, ça n'est pas bien. La table soit mise et l'on se présente et l'on mise sur la mort proche et la mort approche. Et quand il meurt, ses enfants demeurent et son héritage, on se le partage. Mais on ne tue pas son prochain, ça ne se fait pas, ça n'est pas bien. Et quand on l'a tué, qu'en fait-on? Le corps desséché, où le mettons? Dans le frigidaire, ou bien de l'essence? Et si la décence vous l'autorise, dans la cheminée, on le fait brûler. On ne tue pas son prochain. Ça ne se fait pas, ça n'est pas bien. Lors de son audition au mois de janvier, Alexander Markovic, le frère de la victime, fait des déclarations étonnantes au juge Patard. Il déclare avoir dîné chez les Delon au 22 rue de Messine en compagnie de son frère, de François Marc-Anthony et du couple Pompidou. Selon ses dires, ce repas se serait déroulé dans la cuisine de la star. Pour la première fois, le nom des Pompidou est inscrit dans les pièces du dossier. Le 23 janvier, Alain Delon est de nouveau entendu par le juge. Après 35 heures de garde à vue, l'acteur est libéré. Le soir même, il fait une déclaration à la télévision où il réfute toutes les accusations et les déclarations des différents témoins, dont le frère de Stéphane Markovic. Le 30 octobre dernier, je me suis engagé à tenir l'opinion publique informée. Je le fais de la manière la plus objective possible. Je proteste contre la fausse information diffusée par le plus important quotidien du soir. Je proteste à nouveau contre les méthodes d'information d'un autre quotidien, du matin celui-là, qui publie les photos de gens qui sont inconnus de moi et les représente comme mes amis. Toutes les déclarations, même les plus extravagantes, des témoins yougoslaves ont été réexaminées. Il a été très peu question de François Marc-Anthony. J'ai dû aussi subir la lecture des déclarations de tous les mythomanes, nymphomanes, désaxés, maître chanteur dédaigné, personnel congédié, qui dans des affaires de cette nature, m'a-t-on expliqué, forment le lot habituel des témoins spontanés qui crient au scandale si on ne les écoute pas et qui se précipitent dans certaines salles de rédaction si la police les éconduit. Le seul fait réel du dossier sont les lettres de Stéphane. Elles sont aux mains de la justice depuis près de 4 mois maintenant. Pourquoi prendraient-elles aujourd'hui une importance plus grande que celle qu'elles avaient hier ? Je puis affirmer, si j'en juge par les questions posées, qu'il n'y a strictement rien d'autre dans le dossier, en dépit des rodomontades et des déclarations fracassantes, strictement rien d'autre me concernant ou concernant mon entourage. Je demande que l'on s'arrête de jouer à qui tout double, avec mon honneur, comme avec la vie de mon fils et celle de sa mère. Delon ne cite pas le nom des Pompidou qu'il a déjà rencontré, certes, mais avec qui il n'a jamais partagé la table de son domicile au 22 rue de Messine. Le 13 février, Alexander Markovic est de nouveau en France, où il est confronté à François Marc-Anthony et Alain Delon. Les deux hommes réfutent encore une fois les allégations du frère du défunt. Bien. Mais alors, pourquoi les juges poursuivent-ils cette piste ? Comment peut-on imaginer qu'un premier ministre dîne dans la cuisine du star de cinéma avec un homme du milieu corse et deux inconnus ? N'est-il pas possible de comparer les dates de ce soi-disant dîner avec l'agenda officiel de Matignon ? Et puis enfin, comment la femme d'un premier ministre aurait-elle pu s'égayer dans des soirées fines pendant des mois sans que cela ne fuite dans la presse ou dans les ministères ? Ainsi va la rumeur, plus forte que l'information, et elle se poursuit. 6 mois après la mort de Stéphane Markovic, le 4 mars 1969, pour la première fois depuis la révélation de l'affaire, dans la presse, les noms de Monsieur et Madame Pompidou sont cités sur les ondes officielles, comme si quelqu'un avait donné son feu vert. Du nouveau dans l'affaire Markovic, ce matin, les avocats de Marc-Anthony ont demandé au juge Patard l'audition de monsieur et madame Georges Pompidou. Dans la lettre déposée ce matin sur le bureau du juge d'instruction, les avocats de Marc-Anthony déclarent que monsieur Alexandre Markovic aurait pris part à un dîner chez monsieur Alain Delon où se seraient trouvés présents Stéphane Markovic et monsieur et madame Georges Pompidou. Par la suite, lors de son audition, Alain Delon a affirmé n'avoir jamais reçu monsieur et madame Georges Pompidou à sa table. C'est pourquoi les défenseurs de François Marc-Anthony demande que M. et Mme Pompidou soient entendus. Voilà, affaire à suivre. Souvenons-nous en effet qu'à cette époque, toute info politique sensible n'est diffusée sur la radio ou la télé publique qu'avec l'aval du ministre de l'Information, véritable rédacteur en chef des rédactions de l'audiovisuel d'État. Alors si le nom des Pompidou est désormais sur la place publique, sur les antennes de la radio publique, de la télé publique notamment, c'est que le secrétaire d'État à l'Information, Joël Le Teul, a donné son accord. Au 8 boulevard de la Tour Maubourg, dans les bureaux de l'ancien Premier ministre, c'est le choc. Michel Jobert, l'ancien directeur de cabinet de Georges Pompidou, téléphone à Bruno Delos, directeur de cabinet du Premier ministre Maurice Couve de Murville. Celui-ci nie toute implication de Matignon et promet d'en faire part à Joël Le Teul. L'information est maintenant officielle et diffusée partout. Alors, Georges Pompidou, si pudique, doit s'exprimer sur l'affaire Marcovic qui le salit et qui projette sur lui comme une ombre insupportable à chacun de ses déplacements depuis près de 6 mois. Pour la première fois, le cabinet de Georges Pompidou réagit publiquement dans un communiqué. Selon une information diffusée ce matin par l'ORTF et reprise par la presse, les défenseurs d'une personne inculpée dans une affaire judiciaire ont demandé l'audition de monsieur et madame Georges Pompidou. Cela fait suite à une série de rumeurs mensongères complaisamment répandues depuis plusieurs semaines à des fins totalement étrangères à l'intérêt de la justice. Le secrétariat de l'ancien Premier ministre du général de Gaulle fait connaître que monsieur Pompidou et son épouse ignorent tout des causes et des circonstances de ce fait divers. Au hasard de cette journée terrible du 4 mars 1969 où l'avenir politique de Georges Pompidou se joue et se déjoue, le journaliste Georges Suffer est dans les bureaux de la Tour Maubourg. En septembre 1975, dans les pages du Point, il revient sur sa discussion avec Georges Pompidou. Après avoir appris la diffusion de sa demande de convocation par l'un des avocats de Marcantoni, Georges Pompidou confie à Georges Suffer. On dit que je tiens à ma carrière. Eh bien, je vais vous confier quelque chose. Si je reçois cette convocation, je m'y rendrai. Mais auparavant, je tiendrai une conférence de presse. Ce sera la fin de Georges Pompidou comme homme politique, mais vous aurez de la copie pour des mois. Je n'ai pas le goût du suicide. Je suis trop nonchalant pour me scandaliser, j'ai le cuir épais. Mais il y a des moments où il faut savoir casser sa vie pour une chose sans importance à notre époque, figurez-vous. L'honneur. Le soir du 4 mars 1969, l'Élysée soutient officiellement les Pompidou et annonce l'invitation du couple à la table du président à l'Élysée. Cette initiative résonne comme un soutien, effectivement, et la presse se calme. Pour la première fois, le général de Gaulle aide son ancien Premier ministre dans cette affaire. Mais il est trop tard. Entre les deux hommes, la fracture est profonde. Le repas a lieu le 12 mars. La rencontre est froide. Le général promet à Georges Pompidou, comme seul gage, de demander à la chancellerie d'orienter l'enquête exclusivement sur le crime et non plus sur les rumeurs. Dans le même temps, Georges Pompidou accepte de faire campagne pour le oui en faveur du général, qui s'est engagé dans un aventureux référendum à l'intitulé ambigu, peu mobilisateur et même totalement incompréhensible tant il paraît éloigné des préoccupations des Français. Un référendum sur la réforme du Sénat et sur la régionalisation, autant si est la branche sur laquelle on est assis. Une initiative qui confirme que depuis mai 68, la figure tutélaire de la Ve République a perdu la main. En quittant l'Élysée ce soir-là, Georges Pompidou ne sait pas qu'il ne verra plus jamais l'homme qui l'a accompagné pendant 22 ans. L'affaire Marcovic. Il est vrai que Stéphane Markovic. L'affaire Markovic. À la fin du mois de mars 1969, le juge Patard reprend donc l'instruction et s'oriente désormais, vu les consignes, exclusivement sur l'assassinat de Stéphane Markovic. Le 1er octobre, lors de la découverte du corps, celui-ci était enveloppé dans une toile plastique. Après plusieurs semaines d'enquête, les inspecteurs établissent qu'il s'agit d'une housse utilisée depuis un an par la société orléanaise de matelas Tréca Pullman. Ils lancent donc les recherches sur les ventes de ce matelas. Et le 10 avril, un antiquaire déclare avoir vendu ce modèle à François Marcantoni. L'étau se resserre sur le possible assassin, reste à connaître le mobile. À Paris, dans toute la France, les unes sur l'affaire Markovic laissent la place aux enjeux de la campagne pour le référendum prévu le 27 avril 1969. Après les événements de mai 68, le général attend la confiance du pays. Si le nom l'emporte, il partira, il l'a dit, il le fera. À droite, la succession du général est dans toutes les têtes. Jean Le Canneux, qui avait fait sensation lors de la dernière présidentielle en 65, avec comme arme principale un sourire qui fleurait bon la publicité pour dentifrice, se positionne au centre, c'est-à-dire nulle part, dans cette 5e République bipolaire. Valéry Giscard d'Estaing, l'ambitieux jeune ministre des Finances, se positionne lui aussi dans la nébuleuse centriste qu'il sera finalement le seul à faire triompher en 1974. Là, il est à la tête des Républicains indépendants et mène un jeu complexe de grands fauves politiques. Il cherche à susciter la candidature d'Antoine Pinet, puis se récuse, puis rencontre Alain Poher avant de rallier Georges Pompidou le 30 avril. Tous font campagne pour le non au référendum proposé par le général de Gaulle. Georges Pompidou, lui, ne trahit pas sa promesse. et, sans le savoir encore, il accompagne le général dans son dernier acte politique. Oui, le dernier. Car le 27 avril 1969, le non l'emporte avec 53% des voix, montrant ainsi au général la voie qui mène à la sortie. Cette lettre, écrite par le général de Gaulle au chef du gouvernement de l'époque, Maurice Couve de Murville, en dit long. Mon cher Premier ministre, je vous adresse 6 juin, à toutes fins utiles, l'acte en vertu duquel je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. C'est du fond du cœur que je tiens à vous remercier et à vous donner témoignage du concours tout à fait éminent et à tous égards excellent que vous m'avez apporté comme Premier ministre pour le service de notre pays après l'avoir fait pendant 10 ans comme ministre des Affaires étrangères. D'autre part, tous les membres du gouvernement qui ont, autour de vous, porté la charge des affaires publiques avec tant de distinction et de dévouement peuvent être assurés de ma profonde estime et de mon cordial attachement. Je vous demande de le leur dire. Veuillez croire, mon cher Premier ministre, à ma fidèle et dévouée amitié, signé Charles de Gaulle. Le lendemain, Georges Pompidou se déclare candidat. Il sera élu quelques semaines plus tard président de la République, battant le centriste Alain Poher au deuxième tour à l'issue d'un scrutin où la gauche n'aura joué que les utilités. Le 20 juin 1969, Georges Pompidou est investi officiellement devant les caméras de RTF, président de la République. Au nom du Conseil constitutionnel, j'ai eu l'honneur de proclamer Georges Pompidou président de la République française. De par l'article 6 de la Constitution, qui porte que le président de la République est élu pour 7 ans, les pouvoirs qui vous sont conférés par cette élection ayant pris naissance le 19 juin 1969, c'est le 19 juin 1976 que ces pouvoirs parviendront à leur terme. Ainsi, vous ayant vu à l'épreuve, le pays vous a marqué sa confiance. Après son investiture à l'Élysée, Georges Pompidou s'entoure de ceux qui n'ont cessé de l'accompagner pendant ces mois difficiles. Il charge Michel Debré, son nouveau ministre de la Défense, un gaulliste historique, de lancer une enquête sur le rôle du SDES dans la machination Markovitch. Jean-Charles Marchiani, l'auteur de la note sur l'album photo, est dans le viseur des enquêteurs. Il préfère prendre les devants et démissionne le 1er mars 1970. Mais ce n'est qu'en 1975, après le décès de Pompidou, que l'enquête sur la mort de Markovitch rebondit. Un homme s'accuse ce soir d'avoir fait assassiner Stéphane Markovitch. Cet homme est l'un des témoins déjà entendus dans cette affaire vieille de 7 ans. Cet homme s'appelle Uros Milicevic. Il était l'un des amis de Markovitch. Milicevic, tout juste rentré de Yougoslavie, s'est présenté samedi soir aux policiers et il leur a dit « c'est moi qui ai demandé à Marc-Anthony de tuer Markovitch ». Marc-Anthony, Milicevic, il faut revenir sur tous ces personnages de la joissonnade et d'abord celui qui s'accuse. En 1976, après 7 ans de procédure, François Marc-Anthony, faute de preuves, bénéficie d'un non-lieu. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui a organisé la rumeur Markovitch. Jusqu'à sa mort, le 2 avril 1974, Georges Pompidou conservera une petite feuille de papier où étaient inscrits les noms des différentes personnes liées à cette affaire, toutes ou partie de celles qui l'ont lâché ou qui sont soupçonnées d'avoir alimenté les ragots. On peut imaginer que dans cette liste noire qu'il conservait partout sur lui, Georges Pompidou avait inscrit le nom de certains journalistes, juges, avocats, personnalités politiques et peut-être, les noms de ces petits colporteurs qui, dans les dîners, ont propagé la rumeur assassine. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Markovic avec notre invité, Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire. Bonjour Laurent, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien. Comment va Libération ? Pas mal, bon, plutôt bien. Libération qui aurait eu du grain à moudre en 69, sauf qu'il est né 4 ans plus tard. Mais enfin bon, avec cette affaire Markovic, d'où la question. Quelle était la résonance exacte de cette affaire sur les Français ? À l'époque, moi je me souviens, j'étais petit garçon, mes parents n'arrêtaient pas de parler de ça. On sentait, même quand on était gosse, que c'était une affaire prégnante, importante. C'était quoi la résonance exacte ? Ah, elle était très forte, parce que elle concernait Georges Pompidou. Enfin, elle concernait à tort, hein, parce qu'il n'a absolument rien fait dans cette affaire, et sa femme non plus. Mais c'était le successeur du général, quand même, c'était pas n'importe qui. C'était beaucoup de gens pensaient probablement le futur président de la République. Donc, ça valait bien l'affaire Strauss-Kahn. Ouais. Alors, on a eu une autre affaire du même genre. Je sais que les comparaisons sont hasardeuses, non seulement pour ce qui concerne la nature de l'affaire, mais aussi le temps pendant lequel elle s'est déroulée. Mais enfin, ça rappelle un peu ce qu'on avait appelé l'affaire Allègre, avec des rumeurs terribles qui avaient touché des hommes politiques, et un en particulier qui était Baudis, ouais. Dominique Baudis. Ça, c'est le même ressort qu'on retrouve dans l'affaire Baudis. Enfin, Baudis, Allègre, Baudis, oui, là aussi, il était absolument pour rien. Et c'est la joie mauvaise qu'on éprouve quand les puissants sont pris dans une affaire. Et ça, c'est un mécanisme très fort. On croit toujours que les puissants ont les moyens de se protéger contre tout. Mais parfois, ça se retourne. C'est-à-dire que le public accorde plus d'importance aux éléments qui incriminent la personne puissante qu'aux éléments qui tendent à la disculper. Et donc, il y a une espèce de revanche comme ça... les gens d'en bas, la revanche de l'opinion, en tout cas de cette partie de l'opinion qui a l'esprit mal tourné, et qui pense toujours que les puissants sont les auteurs de turpitudes absolument hallucinantes. Et donc qu'il y a tout un monde de corruption, de pratiques criminelles, de pratiques sexuelles aussi. Ça vient peut-être de l'époque de Jeanne d'Arc, vous savez, quand il y avait ce personnage qui s'appelait Gilles de Rais. Oui, Gilles de Rais. Qui enlevait les enfants et qui les tuait dans des conditions atroces, château, etc. Dans un château dans l'ouest de Paris. Bernante, oui. Et donc, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on pense que les gens de l'élite sont des gens mauvais. Par essence. Alors, il y a quand même, nous sommes de 1968 à 1969, donc juste après mai 68, qui normalement aurait dû un peu libérer les mœurs, les pensées. Il y a un vent de liberté, et en même temps, ça ne passe pas. Donc là, mai 68 et son courant libérateur ne fonctionnent pas, pour le coup. Non, parce que à l'époque, la libération des mœurs concerne une minorité de gens, plutôt jeunes. Et dans le monde politique, dans le monde de l'électorat, au fond, il y a il y a des principes de morale personnelle qui sont très forts, des préjugés, on dirait peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, mais parce que la morale catholique était toujours très prégnante. Donc, laisser entendre ou colporter l'idée que la femme de l'ancien Premier ministre puisse être dans des parties fines, ça a quelque chose d'absolument scandaleux, quoi. Mais du temps de Strauss-Kahn, ça a aussi, 30 ans après, ça a aussi touché le public, hein, parce que chacun est un voyeur qui s'ignore, donc on adore en fait ce genre d'histoire. Dans le cas de Pompidou, il y avait absolument rien. C'est le contexte, c'est un règlement de compte, à mon avis, entre des factions gaullistes. C'est-à-dire ? Alors, développer. D'abord, dans le gaullisme, il y a toujours eu des bas-fonds. Parce que c'est né dans la résistance. La résistance, c'est un monde clandestin. Et c'est un monde où on organise des coups tordus contre l'ennemi, ou contre les vichistes, éventuellement. Mais le général avait son propre service secret, le service secret de la France libre, qui était basé à Londres, et qui organisait toutes sortes de coups tordus en France, contre les nazis et contre les collabos. Mais le pli est un peu pris. Il y a des gens qui sont de sac et de corde, et qui ont l'habitude d'agir dans la clandestinité pour nuire d'une manière oblique ou subreptice à tel ou tel ennemi. Et ça a perduré, par exemple en 58, au moment du retour du général de Gaulle, il y a toute une action secrète, quoi, souterraine, qui est menée par des gaullistes, clandestins, ou peu connus, ou discrets, et qui agissent dans l'ombre. Et puis ça a continué pendant la guerre d'Algérie avec ce qu'on a appelé les barbouzes, avec le SAC, qui était fondé pour lutter contre l'OAS, qui était elle-même une organisation secrète. C'est l'organisation de l'armée secrète. Ils annonçaient la couleur. Et donc, pour lutter contre l'OAS, les gaullistes avaient mis en place des hommes, là aussi, des hommes de main, quoi, qui étaient des tortionnaires, des tueurs, des assassins, ou des types qui cherchaient à salir l'adversaire par tous les moyens. Donc, ce personnel existait dans l'ombre du général, qui s'occupait de ça de très très loin, mais qui savait très bien ce qu'il en était, mais il s'en occupait très peu. Il y a une chose qui m'a toujours frappé dans la biographie du général, c'est que la seule personne qu'il ait vue tous les matins quand il était président, la seule personne, tous les matins, je crois, à 7h30, c'est Jacques Foccart. Jacques Foccart, Monsieur Afrique. Donc c'était Monsieur Afrique et Monsieur Service Secret. Eh oui. Il s'occupait des coups tendus. Le général le voyait tous les jours. Donc on n'a jamais su ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, ils se voyaient. Et dans l'affaire Markovitch, ce qu'on croit comprendre maintenant, quoi qu'on n'ait pas tout à fait les preuves, c'est qu'il y a eu une officine quelconque, alors peut-être au sein du SDEC, c'est possible, on accuse deux ou trois agents, je crois, d'avoir fait le montage photographique, en tout cas. Et alimenté la rumeur, forcément. D'avoir utilisé ce fait divers qui mettait en cause Alain Delon, indirectement, apparemment il n'y était pour rien non plus, mais ce Markovitch était un type peu recommandable, qui probablement faisait chanter les gens avec des photos, etc. Et il a été probablement exécuté, sans doute pour cette raison, alors je m'avance prudemment. Et le SDEC, enfin ces gens du SDEC, peut-être dans l'ignorance de leur hiérarchie, je ne sais pas, se sont dit, tiens, ce type-là connaissait des stars, des hommes politiques, non, on va monter une opération. Et on va laisser entendre ou faire courir la rumeur, la calomnie, selon laquelle Pompidou et sa femme étaient mouillés dans ce genre d'affaires. Et alors c'était possible dans la mesure où Pompidou avait une vie mondaine, effectivement, avec Claude Pompidou. Sortait beaucoup, oui. C'était des gens qui s'intéressaient beaucoup à la culture, à l'art, donc il y avait beaucoup d'artistes, ils sortaient dans Paris. Il y a une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, je n'ai jamais su, mais elle est très expressive. Quand De Gaulle nomme Pompidou Premier ministre, il le convoque avant de le nommer, et il lui dit « Pompidou, où est-ce que vous allez en vacances ?» Alors Pompidou répond « Général, mon général, je vais à Saint-Tropez. » Et le général répond « Désormais, vous irez en Bretagne. » Je connais aussi cette anecdote. Pompidou connaissait beaucoup de monde. Et Laurent, le général De Gaulle aurait dit, concernant Pompidou et Markovitch, « À force de sortir. » Oui, alors c'est un peu la réaction, c'est ce que Pompidou lui a reproché, hein, c'est d'avoir été un peu négligent ou désinvolte dans la réaction à cette affaire. Et puis il y a beaucoup de gens qui étaient des gens hostiles à Pompidou, et qui ont dit « ouais, ça ne m'étonne pas, évidemment, enfin, c'est l'ère de la calomnie. » Alors on y arrive, mais pourquoi alors? Alors pourquoi? Parce qu'il y avait... Pourquoi? Oui, alors j'étais parti là-dessus, puis j'ai dérivé. Au sein du gaullisme, et c'est partagé le général lui-même, c'est que... c'est un homme d'autorité, c'est un homme plutôt conservateur à beaucoup d'égards, mais il avait une ambition sociale. Hein, sa formation était celle d'un chrétien social. Donc il voulait faire des grandes réformes sociales, et il était soutenu dans cette entreprise par un certain nombre de ses amis, de la résistance notamment, qui étaient des gaullistes de gauche, qui étaient d'anciens socialistes, ou des gens qui venaient de la gauche, des radicaux, etc., ou des chrétiens sociaux, et qui voulaient que le général, au pouvoir, donc depuis 1958, fasse des grandes réformes sociales, comme la participation, par exemple, qui était destinée à couper l'herbe sous le pied des syndicats, comme on disait à l'époque, de lutte de classe. Ça rapprochait les classes et ça donnait des avantages aux salariés, aux ouvriers, et donc ça contribuait à régler la question sociale. Et de la même manière, ces gens-là pensaient qu'il fallait décentraliser le pays. Et donc, ils soutenaient un projet social au sein du gaullisme. Et ils avaient en face d'eux un certain nombre de gens qui étaient des conservateurs bontains, dont Pompidou. Pompidou a un itinéraire plus particulier, parce que lui, il n'a pas fait la résistance. Donc, il y a ce clivage-là qui existe aussi au sein des gaullistes, hein, les compagnons de la libération, puis ceux qui ne l'étaient pas. Oui, enfin les compagnons, ou les résistants, ils sont pas tous compagnons. Ouais. Et donc l'ambition sociale de la résistance était portée par le gaullisme, ou par une partie du gaullisme. Les grandes réformes sociales dont on a encore les effets aujourd'hui, c'était en 1944-1945. C'est fait sous l'autorité du général de Gaulle. Et donc il y a des gens qui voulaient maintenir vivant cet esprit-là. Et d'autres qui considéraient que c'était des choses trop dispendieuses, des chimères, le gaullisme était de droite, et voilà, et puis il n'avait pas besoin de faire semblant d'être socialiste ou je ne sais quoi. Et Pompidou pensait un peu ça. Pompidou était un homme extrêmement cultivé, qui connaissait, un de ceux qui connaissait mieux le général, puisqu'il avait travaillé avec lui de très près pendant des années, Mais en même temps, c'était un. Il se plaisait à se dire rural, de Montboudif, l'Auvergne, tout ça, et un homme de bon sens, les pieds sur terre, etc. Donc les réformes sociales, il en prenait, il en laissait. Alors, il en faisait quelques-unes, hein, il a fait beaucoup de choses, mais il ne croyait pas à ce grand projet social qui devait parachever l'œuvre du gaullisme, ça, il n'y croyait pas du tout. D'ailleurs, on a vu comme il a réagi, pour d'autres raisons aussi, mais aussi pour celle-là, lorsque Jacques Chaban-Delmas, qui était il l'a nommé, il connaissait très bien la nouvelle société, ça ne lui a pas plu. Parce qu'il y avait quelque chose qui était transversal, voilà, ouais, notamment avec Jacques Delors, hein, qui était avec Delors, avec un homme un peu oublié, qui est Simon Nora, oublié à tort, et donc il faisait beaucoup de réformes. Alors, on va écouter Claude Pompidou maintenant, parce que la rumeur, elle était sur elle d'abord, avec l'objectif de toucher son mari, évidemment. Elle ne s'est exprimée que très rarement sur cette affaire, et elle s'en est confiée plus tard à Jacques Chancel. On va écouter Claude Pompidou. Vous avez été directement calomnié. Oui, moi j'ai été directement calomnié. J'y croyais même pas. Lorsqu'on me l'a dit, je ne pouvais pas. Je me suis dit, mais c'est une blague qu'on me raconte là. Ça paraissait ridicule. En sorte, c'était une sorte de complot, mais dont il est un peu compliqué de parler et d'ailleurs difficile de retrouver absolument tous les nœuds. Oui. Mais enfin. Dis donc que c'était une photo, que c'était un faux et que le faux était très très apparent. Donc, vous ne faites aucune confiance à la politique. C'est-à-dire, au nom de la politique, je crois qu'on peut inventer n'importe quel scandale et vous vous en méfiez terriblement aujourd'hui. Je crois que la presse, si elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Mal. La presse est très puissante. Elle peut faire beaucoup de bien et en général, tout de même, elle fait du bien en ce sens qu'elle rapporte les événements tels qu'ils sont et qu'elle informe tout le monde. Mais il arrive quelquefois que soit par manque d'informations ou autre raison, je ne sais pas, elle puisse faire beaucoup de mal. Et c'est terrible. Et c'est dommage. On vous a attaqué pour abattre Georges Pompidou. Oui, bien sûr, naturellement. Et lui, il avait compris, il en a été encore peut-être plus malheureux. Il aurait préféré être blessé lui-même. Oui, bien sûr, elle a été beaucoup plus malheureux que moi. C'était plutôt moi qui le remontais. Parce qu'il admettait très mal que... Moi qui n'aimais pas la politique, je me trouve justement prise dans une histoire comme ça. Un mot de Claude Pompidou. Qui était cette femme qu'on connaît mal finalement? C'était une femme, bon, je ne l'ai pas connue, hein, mais je ne connaissais pas son caractère. Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'elle avait un goût très prononcé pour la chose artistique et elle était très moderne. Enfin, elle aimait beaucoup l'art contemporain, le design, l'architecture d'aujourd'hui. Et c'est pas un hasard si le musée de la rue Beaubourg s'appelle Pompidou. Bien sûr. C'est en partie grâce à elle, puisque avec son mari, il s'intéressait énormément à tout ce qui était la création contemporaine. Alors, Georges Pompidou, son mari, disait entre autres, on lui prête cette phrase, « Occupez-vous de mes ennemis, je m'occupe de mes amis ». Oui, ben ça renvoie... Il ne croyait pas si bien dire. Hein. Ouais, avec cette affaire Markovic, comme le confirme l'un de ses plus proches compagnons de route, c'était son directeur de cabinet, c'était Édouard Balladur, hein, qui était vraiment très proche de Georges Pompidou. Il était invité de l'émission « Passer sous silence » sur France 3. Et il revient justement sur l'affaire Markovic et l'ambiance autour et la façon dont Georges Pompidou l'a vécu. Il est certain qu'il a considéré que, objet d'une calomnie indigne et je dirais même infâme, puisqu'elle ne le concernait même pas lui-même, mais ce qu'il avait de plus cher, il a estimé que l'on ne mettait beaucoup d'empressement ni à l'informer, ni à le défendre. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'était sûrement pas spontané. Et qu'un certain nombre se sont attachés à souffler sur les braises. Voilà, un certain nombre se sont attachés à souffler sur les braises, et nous le disions dans le récit, c'est quand même assez spectaculaire, et c'est vrai, on le sait, Georges Pompidou avait dans sa veste une liste de... On a toujours dit ça, il paraît que c'est vrai, il avait effectivement la liste de tous ceux qui lui avaient manqué, et donc on peut supposer qu'au fur et à mesure, dès qu'il passait dans son viseur, il devait tirer, je pense, mais discrètement. Et ces gens-là étaient des gens animés par une vindicte, des mauvaises pensées, quoi. Mais qui avaient aussi l'idée que Pompidou finirait par trahir le gaullisme. Il le soupçonnait de ça. Il le soupçonnait de ne pas être fidèle, au fond, au message du général, et d'être la bourgeoisie la plus traditionnelle au sein du gaullisme. Ouais. Alors que eux représentaient l'esprit de la résistance et de la réforme. Et alors, cet aspect-là des choses n'est pas entièrement faux. C'est vrai que, on l'a bien vu après, dans l'affaire Chaban-Pompidou, Pompidou, après avoir nommé Chaban, a commencé à considérer qu'il faisait trop de concessions et trop de cadeaux, finalement, à la gauche, et qu'il fallait s'en débarrasser. Il était conseillé par des gens qui étaient déjà actifs au moment de l'affaire Markovitch, qui étaient Pierre Juillet et Marie-France Garraud, et par un homme appelé à un certain destin, puisque c'était Jacques Chirac. Jacques Chirac, alors lui, qui était vraiment, qui a soutenu Georges Pompidou, de toute façon, il était très proche. Fidèle, hein. Extrêmement proche. Je crois qu'il y a même des vrais sentiments humains entre Absolument, les deux personnes. Absolument, Pompidou l'avait remarqué parmi tous les jeunes énarques, et il l'avait envoyé en Corrèze avec d'autres qu'on appelait les cadets de la République. Il y a eu un livre qui s'appelait Les cadets de la République où il y avait Chirac, Charbonnel, Bernard Ponce et d'autres qui étaient des jeunes hommes dont Pompidou faisait une sorte de garde rapprochée. Puisque Pompidou songeait déjà, étant Premier ministre depuis 62 et étant le Premier ministre qui avait duré le plus longtemps finalement, à la succession. Et ce qui est en filigrane évidemment, c'est qui va prendre la direction de la Ve République au sein de la droite après le général. Est-ce que ça sera la bourgeoisie traditionnelle ou libérale, un peu comme Giscard, ou est-ce que ça sera des gens qui resteront fidèles à cette volonté de transformation sociale du pays? Pour les Français, c'était le gaullisme sans De Gaulle, Pompidou. Oui, pour la masse des Français, oui, mais chacun voyait bien qu'il y avait des nuances. Oui, bien sûr. Et ne serait-ce que par son style, quoi. Pompidou était rond, il employait toujours des formules simples. Il n'avait pas le côté romain que pouvait avoir le général de Gaulle. Et il n'avait pas cette espèce d'ambition transformatrice. Pompidou voulait accompagner la société française qui était en plein développement. Il y avait un taux de croissance incroyable. Ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est que la politique de Georges Pompidou, elle est entièrement tournée vers le progrès industriel. La bagnole, il l'avait dit un jour. Il avait dit, vous savez, les Français, la bagnole. Il était proche des gens Alors, pour ça. Voilà, ce qui est aujourd'hui, le sens inverse aujourd'hui du développement, puisqu'on ne parle plus des développements durables. L'écologie n'était pas encore très portée. Oui, elle n'était pas portée du tout, effectivement. Donc les années Pompidou, c'était ça, les années très, très matérialistes. C'était des années heureuses, d'une certaine manière. Des années heureuses, de croissance. Il y avait un développement extrêmement rapide et il y avait un espoir dans l'avenir. Bien, merci infiniment Laurent Geoffroy, directeur du journal Libération, notre partenaire. Mais on va se dire à dans 15 jours. Avec plaisir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Markovic, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la mystérieuse affaire Henri Curiel.